Parler se dit parlare. P-A-R-L-A-R-E. Parlare. Je veux parler italien. Vous savez certainement déjà comment on dit italien, mais je vous le rappelle à tout hasard. C'est italiano. Italiano. Alors, dites-moi, je veux parler italien. Voglio parlare italiano. Bien. Voglio parlare italiano. Sachant que avec se dit con, C-O-N, con, comment direz-vous maintenant je veux parler italien avec vous? Voglio parlare italiano con lei? C'est ça. Voglio parlare italiano con lei. Et comment diriez-vous voulez-vous parler italien avec moi? Vuole. Très bien. Vuole. Vuole parlare italiano con me? Oui. Vuole parlare italiano con me? Dites-moi maintenant pourquoi ne voulez-vous pas parler italien avec moi? Perché? Perché? Perché non vuole parlare italiano con me? C'est ça. Perché non vuole parlare italiano con me? Maintenant, vous allez dire je regrette, mais je ne peux pas parler avec vous maintenant parce que je suis très occupée. Pour dire je ne peux pas ou plutôt je peux, on dit posso. Posso. Je vous ai donné tout à l'heure vous pouvez, qui se dit può. Mais je peux, c'est posso. P-O-2-S-O. Posso. Comme la première partie du mot possible. Posso, c'est je peux. Ça m'est possible. Posso. Et vous pouvez, le vouvoiement, c'est può. Vous pouvez, mais aussi il peut, elle peut, può. Alors, reprenons. Je regrette, mais... Mi dispiace, ma... Je ne peux pas parler avec vous maintenant. Non posso parlare con lei ora. Voilà, mi dispiace, ma non posso parlare con lei ora. Parce que je suis très occupée. Le je ici, c'est une femme. Perché sono molto occupata. Très bien. Mi dispiace, ma non posso parlare con lei ora perché sono molto occupata. Occupata, oui, pour vous, au féminin. Occupata. Un homme dirait sono molto occupato. Occupato. Dites maintenant, mais je peux vous voir un peu plus tard, si vous voulez. Ma posso vedere... Vederla. Bien, ma posso vederla un peu plus tard. Un po' più tardi. Voilà, oui. Mais je peux vous voir un peu plus tard. Ma posso vederla un po' più tardi, si vous voulez. Se vuol. Répétez, s'il vous plaît. Se vuole. Se vuole, c'est ça. Se vuole. Manger se dit mangiare. Mangiare. C'est très proche du français. Mangiare s'écrit M-A-N-G-I-A-R-E. Un G suivi d'un I ou d'un E se prononce je. Le son je n'existe que dans certains patois italiens. Donc, comment direz-vous « je veux manger maintenant » ? Vuolo. Voglio. Voglio mangiare ora. C'est ça. Voglio mangiare ora. Si au lieu de maintenant, vous voulez dire tout de suite, vous utiliserez le mot subito. S-U-B-I-T-O. Subito. Ça ressemble au français subi ou subitement. Donc, je veux manger tout de suite, par exemple, se dirait. Voglio mangiare subito. Voglio mangiare subito. Dites maintenant, que voulez-vous manger ? Mot à mot, quelle chose voulez-vous manger ? Che cosa? Oui, che cosa voulez-vous manger? Che cosa mangiare? Che voulez-vous manger? Oh, che cosa vuole mangiare? Voilà, che cosa vuole mangiare? Et comment diriez-vous que voulez-vous manger maintenant? Che cosa vuole mangiare ora? Oui, che cosa vuole mangiare ora? Maintenant, vous allez dire voulez-vous manger quelque chose maintenant? Nous avons déjà vu quelque chose. Comment le dites-vous en italien? Qualcosa. Qualcosa, oui. Alors, dites-moi, voulez-vous manger quelque chose? Vuole mangiare qualcosa? Vuole mangiare qualcosa maintenant? Ora. Voilà. Vuole mangiare qualcosa ora? Et comment diriez-vous pourquoi ne voulez-vous pas manger maintenant? Perché non vuole mangiare ora? Perché non vuole mangiare ora?